a su résister. Aux manœuvres habiles d'un être sans pureté. Et ainsi lâchement il a pu profiter. Coupable, comme il l'a si bien dit, mais c'est déraisonnable de gâcher toute une vie afin de satisfaire quelques futiles envies. Je ne peux que blâmer une telle attitude, et tout haut réclamé un peu de gratitude. Tu as bien su attendre, tourner les habitudes. Jamais être ivre de ressentir ces liens qui unissaient nos corps, mes bras autour des tiens. De ce complice accord,